chien appelé. Si vous aviez un chien, comment l'appelleriez-vous ? Enfant appelé. Si vous aviez un enfant, comment l'appelleriez-vous ? Vacances allez. Si vous aviez des vacances, où iriez-vous ? Faim, manger. Si vous aviez faim, que mangeriez-vous ? Temps, faire. Si vous aviez du temps, que feriez-vous ?